vie interdit, je le sais. Étourdi, étourdi, je me tais. Asservi, asservi par le jeu de la nuit de tes yeux. Interdit, interdit, je le sais. Étourdi, étourdi, je me tais. Asservi, asservi par le jeu de la nuit de tes yeux. Je m'égare dans tes cheveux châtains, sans crier gare, tu me roules tes patins. Tu prépares ton bandeau de satin, me faisant voir les lueurs du matin. Coloris du mélange, je vois la vie rose-orange. D'un coup d'œil je suis tué, jugement dernier, Michel-Ange. Les coloris du mélange, je vois la vie rose-orange. D'un coup d'œil je suis tué,